بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Que toutes les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, et que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Pour suivre la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sont toutes les choses qui sont inventées dans la religion en termes d'actes d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Et tout ce qui est inventé dans la religion sont des innovations. Et toutes les innovations religieuses sont des déviances. Et toute déviance mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve, amis. Je vais tout commencer en fait par répondre par deux questions qui ont été posées par les sœurs, Inch'Allah. Yani, la première, c'était quand on dit qu'on fait une sadaqa pour un tel, yani, est-ce que c'est bien ou pas, ou est-ce que ça veut dire que c'est du shirk? Et la deuxième, c'est si on fait une sadaqa, parce qu'elles sont liées les questions, si on fait une sadaqa pour un mort, est-ce qu'il faut dire ou non que ça vient de toi? Donc, premièrement, les ulémas sont d'accord sur le fait que demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un qui est mort, donner une sadaqa, yani, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, yani, qu'on souhaite que le mort reçoive cette récompense-là, et faire le hajj pour quelqu'un aussi qui est décédé, eh bien, ils ont dit les ulémas que celui qui est décédé recevra la récompense de ces bonnes actions-là qui sont faites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'avais mentionné, parce que je crois savoir d'où la question peut provenir, c'est lorsque j'avais en fait mentionné sur le fait que des gens qui vont aller voir des gens qui sont morts et qui vont ramener du couscous ou quoi que ce soit, et puis pour donner à manger, yani, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-a'mal bin-niyat wa li kulli imri'in ma nawa » Les actes ne valent que par leur intention. Et chacun sera rétribué par l'intention qu'il aura. Donc en fait, lorsque les gens ils vont aller voir quelqu'un qui dit que c'est un wali, okay, ils lui ont fait une tombe, et les gens vont demander à ce mort de leur donner le succès, voilà, leur donner des enfants, voilà, leur donner yani, le fait que leur fils marie ou que leurs enfants ont le succès. Eh bien, ça c'est le shirk, parce qu'ils invoquent autre qu'Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ad'ouni astajib lakum, invoquez-moi, je vous répondrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dis-je invoque Allah et je ne lui associe rien du tout. Donc dans ce verset de sourate al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala a bien montré que j'invoque Allah et je ne lui associe rien du tout, que l'invocation est une adoration. Mais lorsque ce que je disais, parce que ça fait partie des traditions qui sont dans la majorité des pays d'Afrique du Nord, mais aussi partout aussi dans tout ce qui est Inde, Pakistan aussi, on en trouve. Mais c'est en fait que l'intention ici, c'est de donner en fait le repas, voilà, de la viande, voilà, quoi que ce soit, en sadaqa dans le but de recevoir l'agrément de la personne qui est morte. C'est pas l'agrément d'Allah. Eux, ils se disent, lorsqu'ils vont apporter ça, eh bien, celui qui est mort, ceux qui ils disent que, par exemple, ce wali-là, c'est un pieux, eh bien, il ne va pas s'acharner sur leur maison, voilà, il ne va pas leur porter malheur. C'est ça qu'ils ont dans leur pensée. Donc, si une personne a cette pensée-là, qu'elle fait ce genre de truc pour se préserver des malheurs que pourrait, voilà, elle craint la personne qui est morte. Elle est morte, elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut ni t'entendre, elle ne peut ni te bénéficier, elle ne peut rien faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on verra dans la réponse à cette question-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'une personne meurt, toutes ses bonnes actions s'arrêtent. Excepté trois. Sadaqa jariya, un acte de charité. Par exemple, un acte de charité, sadaqa jariya, c'est quoi? Tu as donné de l'argent pour une mosquée. Okay? Cette mosquée-là a été construite. Les gens qui lisent le Coran, qui font du zikr, qui s'allient, eh bien, tu reçois la récompense d'eux. Sans rien leur diminuer. Eux, ils sont récompensés parce qu'ils viennent prier en groupe. Et toi, tu reçois la même récompense qu'eux. Ça fait même lorsque tu meurs, eh bien, à chaque fois que quelqu'un lira le Coran dans une mosquée où tu as donné de l'argent pour qu'elle soit construite, eh bien, tu recevras la récompense de celui qui fera des bonnes actions dans la mosquée. Hein? Donc, c'est ça une sadaqa jariya. Ou bien, par exemple, que tu as construit un puits, okay, et des gens peuvent en bénéficier après ta mort. Eh bien, ça reste aussi, en bonne action, ça reste à être augmenté dans ta balance de bonnes actions. Mais ce qui est interdit, c'est donc, par exemple, égorger pour autre qu'Allah, en disant, je vais égorger en fait pour ce mort, et je vais donner la viande en allant voir la Zawiya, par exemple, où est-ce qu'il y a le Wali, l'endroit où est-ce qu'il y a le Wali, parce que souvent, ils les mettent pas dans le cimetière, ils les mettent dans des maisons, ou dans des endroits isolés. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont aller là-bas et puis ils vont donner aux gens qui gardent cette maison-là. En espérant que celui qui est mort, il va voir en fait que tu es venu donner ça à ceux qui protègent son endroit et donc il ne va pas te porter malheur et il va faire ce que tu veux. Donc ça, c'est du shirk. Mais par contre, si tu fais par exemple une sadaqa, donc, et on va voir pour que ce soit plus clair en fait les preuves. Dans ce que j'ai dit en fait, ce que les ulama sont d'accord sur le fait que demander pardon à Allah pour le mort, donner sadaqa, donner une truc de charité, tu aides quelqu'un avec l'intention que tu le fais, que tu aimerais que celui qui est mort reçoive la récompense. Et tu fais le hajj, par exemple, pour quelqu'un qui est mort et qu'il n'avait pas les moyens de le faire durant son vivant, par exemple, et tu le fais pour lui. Non, mais justement, oui, bien sûr, la personne doit faire le hajj avant, mais et ensuite elle pourra le faire pour son père. Voilà, pour sa mère, voilà, pour ses proches. Voilà, Draklofik. Mais le truc, c'est quoi? C'est que une personne qui avait les moyens de faire le hajj, il avait les moyens. Il avait les moyens physiques et il avait les moyens financiers. Parce que quelqu'un peut avoir les moyens physiques, ça veut dire qu'il est en bonne santé, il peut le faire, mais il n'a pas l'argent. Il ne va pas voler pour... Non, il n'a pas l'argent, il ne peut pas. Le truc, c'est quoi? C'est que si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne du rizq et il se met à avoir les moyens, et bien qu'il utilise cet argent-là pour mettre en priorité qu'il va au hajj, inshallah. Mais bien sûr, en ayant payé toutes ses dettes avant. On ne va pas ni faire un hajj ou une umrah avec des dettes. Hein? Tout doit être payé avant. Donc si tout ça c'est payé, et une personne a les moyens, elle peut y aller. Mais si une personne n'a pas les moyens financiers d'y aller, et elle meurt, eh bien, une personne après pourra faire pour le hajj pour cette personne-là. En ce qui concerne pour le fait de demander pardon, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Et à ceux qui sont venus après eux, disant, après eux, ceux qui sont décédés, et bien ceux qui sont venus après, disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. En ce qui concerne donner une sadaqa pour... tu le fais ça, l'intention que tu le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en espérant que... En fait, tu le fais en... tu le fais dans ton, en intention. T'as pas besoin de misalan, tu vois ce que je veux dire, de le crier sur les toits, ou la hajak, fadni. Donc tu le fais avec cette intention-là que tu aimerais que Allah il récompense la personne qui est morte. Eh bien, Aïcha radiallahu anha rapporte qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma mère est décédée subitement sans laisser de testament. Yani, omoumetet mahalet chata, yani, voilà, voici, baraklofik. Et je pense que si elle avait pu le faire, elle aurait fait des aumônes. Et donc, serait-elle rétribuée d'une aumône que j'accomplirais pour elle? Il a posé cette question au prophète Sarsel. Est-ce que lorsque je fais une aumône en donnant, en ayant l'intention qu'elle soit récompensée pour ça, est-ce qu'elle va être récompensée? Le prophète Sarsel me répondit oui. Comme le hadith, il est dans Bukhari et Muslim. Et Ibn Abbas rapporte, rapporte la mère de Saad, Ibn Ubaida, décédant en son absence. Il dit alors, ô messager d'Allah, ma mère est morte en mon absence. Tirerait-elle profit d'une aumône que je ferai pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit oui. Il dit alors, sois donc témoin que je donne mon jardin d'arbres fruitiers en aumône pour elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand une personne meurt, ce que j'ai dit en hadith au début, toutes ses bonnes actions s'arrêtent excepté trois. Une charité en cours, celui qui a laissé une connaissance bénéfique, al-mnafa', a laissé un al-mnafa', et que les gens peuvent l'utiliser dans le bien, ou un enfant pieux, waladun salih yad'u lah, ou un enfant pieux qui prie pour lui, qui prie Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et donc, le seul truc, parce que ici, yani, faire une sadaqa pour quelqu'un qui est mort, donc ça c'est permis, mais ce qui n'est pas permis, c'est d'aller voir maintenant les gens qui yani, donner dans le sens que, comme ils font par exemple aller voir ce qu'ils appellent par exemple les walis, ils vont donner de la viande, voilà, ils vont donner ça, en espérant qu'il va être gentil avec eux, et donc il ne va pas s'acharner sur leur maison, voilà, parce que, tu vois, parce que celui qui craint, qui a ce khouf sirri, khouf qalbi, une peur qui est secrète, qui est au fond du cœur. Tu crains quelque chose de l'invisible qui peut avoir un impact dans ta vie, et bien ça, c'est la même crainte qu'une personne devrait craindre Allah. On ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le truc c'est quoi? C'est qu'on doit craindre Allah comme il se doit, parce qu'on sait qu'Allah nous observe constamment. Eh bien, une personne, en fait, qui craint un mort comme il devrait craindre Allah, ça, c'est du shirk qui exclut de l'islam. Et même si elle prie, ça ne lui servira à rien. Et on y a peu prié 5 fois par jour en ayant la conscience tranquille. Ça me dit que, voilà, je prie 5 fois par jour. Mais si elle va aller visiter des tombes, pas visiter des tombes, comme on avait dit la dernière fois, elle va visiter pour demander à Allah d'avoir miséricorde sur les gens qui sont morts. Ça, c'est permis. Ça me dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a autorisé. Mais on ne récite pas le Coran, comme on avait dit, dans les cimetières, c'est interdit. Et on ne fait pas de prière dans les cimetières. Parce que j'en connaissais, mesdames, en Écosse, parce qu'ils ramenaient, on faisait la prière genèse, donc la prière genèse se fait à la mosquée, ou dehors, mais l'essentiel c'est qu'elle soit pas dans un cimetière. Ensuite, le corps a été ramené au cimetière. Et là-bas au cimetière, donc, il y en a certains, qu'est-ce qu'ils font? C'est que pendant qu'ils creusent, ils se mettent à réciter Jozul Am. Et ça, c'est interdit, c'est din. Ça, c'est ce qu'on appelle, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Wa iyyakum wa muhdathat al-umur » Et faites attention, prenez garde de tout ce qui est inventé dans la religion. Pourquoi prenez garde de tout ce qui est inventé dans la religion? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Al-yawm akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. La religion, elle est complète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme c'est rapporté par Aïcha, radiallahu anha, par les deux shaykhan, donc le Bukhari et le Muslim, dans leur sahih, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. » Celui qui invente quelque chose pour se rapprocher d'Allah, qui ne fait pas partie de notre ordre, eh bien cet acte qu'ils ont inventé, il sera rejeté, il ne sera pas accepté. Tu perds ton temps, tu t'es puni. Pourquoi? Parce que s'il y aurait un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas, le hadith il est authentique, il n'y a pas un bien qui vous permet de vous rapprocher d'Allah, excepté que je vous ai donné un savoir dessus. Et il n'y a pas un mal qui risque de vous jeter en enfer, excepté que je vous ai mis en garde contre cela. Et les sahaba, radiallahu anhum, et si je me souviens bien, c'est rapporté, et c'est Abu Dharr, radiallahu anhum, accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَمَا تَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا مِنْهُ عِلْمًا. Il n'y a pas, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que même pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un oiseau dans les cieux qui tournait leurs ailes. Tu vois? Donc ils étaient en train de voler. Excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un savoir dessus. Donc ça veut dire qu'il a tout transmis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un juif, il est venu voir Salman al-Farisi radiallahu anhu. Il lui a dit, علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني حزكم الله. Ce juif là il a dit, votre prophète vous a appris tout, même ce que vous devez faire aux toilettes. حزكم الله. Et Salman al-Farisi lui a donné un savoir sur ceci. Le truc c'est quoi? C'est que même les gens du livre, ils savaient que le prophète sallam a tout appris aux compagnons du prophète sallam. Tout appris dans la religion. Tout ce qui peut te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un savoir dessus. Tout ce qui te permet de t'éloigner d'Allah, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a mis en garde contre ceci. Et on aura un cours sur ça, la définition et ça sur l'innovation. Mais dès qu'on a parlé sur ce point-là, c'est entre parenthèses, pourquoi c'est un danger? Pourquoi c'est un danger? C'est un énorme danger. Parce que Sofiane al-Sawri, c'était le Qadi Iyad, rahimahullah, qui était un savant parmi les salafs salih, qui avait dit Al-Bid'a ahabba ila shaytan ila iblis min al-ma'fiya. Il a dit l'innovation est plus aimée à Satan que le péché. Il a dit pourquoi? Il a dit لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Parce qu'en fait, celui qui fait un péché, il est conscient que, au fond de lui, il a fait quelque chose de mauvais, qu'il n'était pas bien, voilà, quelque chose qui est illicite. Même il y a des gens, Hachem, qui boivent de l'alcool, ou qui font des trucs qui sont mauvais, ils savent que c'est haram, ils savent ça, tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner la facilité qu'ils vont se repentir. Donc une personne qui sait qu'au fond d'elle qu'elle s'est trompée, voilà, qu'elle a fait quelque chose qui était haram, eh bien, elle va se repentir, inshallah. Mais celui qui innove, pourquoi le shaitan il préfère l'innovation comparée au péché? Parce que celui qui innove, il ne se repentira jamais. Pourquoi? Parce que selon lui, il fait un acte qui est bien. Tu vois? C'est-à-dire que selon lui, il croit que il fait quelque chose de bien. Il a inventé dans la religion quelque chose. Par exemple, si je me souviens bien, il y avait dans des mosquées. L'imam, il est au milieu, et les gens, ils ont dérangé, comme ça. Et il reste à sauter dans la mosquée en disant « Allah, Allah, Allah okay ». Et eux, ils veulent se rapprocher d'Allah par cet acte d'adoration. Donc maintenant, lorsqu'on croise des gens comme ça et on leur dit, est-ce que vous avez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit de faire telle ou telle pratique? C'est ça le truc. Donc, mais eux, ils n'ont pas de preuves. Mais ils vont te dire, mais c'est quoi le problème? Je ne suis pas en train de tuer les gens, je ne suis pas en train de faire voler, je ne suis pas en train de faire du mal. Tu vois? Subhanallah. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsqu'il montrait le wudu, ok? Parce que vous avez dans le Sahih al-Bukhari, que al-wudu thalatha thalatha, un chapitre dans le Sahih al-Bukhari, que le wudu c'est trois fois. Yani, minimum, tu fais une fois. Minimum. Et puis maximum, pour toucher la sunna en plein centre, c'est trois fois. Tu fais. Donc, trois fois les mains, trois fois yani, la bouche et le nez, trois fois le visage, trois fois main droite en montant jusqu'ici, ensuite trois fois main gauche en montant jusqu'ici, c'est-à-dire tu dois dépasser le coude, je veux dire. Puis une fois la tête avec, parce que la tête ça inclut en fait yani, les cheveux aller-retour pour l'homme et une seule fois pour la femme, sans retour pour la femme, tu vois. Et puis avec les oreilles, et trois fois pied droit, trois fois pied gauche, jusqu'aux chevilles. Et le prophète sallam puis a dit que celui qui fait au-dessus de ça, eh bien ce sera du charge. Donc si quelqu'un maintenant il va dire, moi eh ben je pense que si je fais cinq fois c'est mieux. Quoi? Ou bien par exemple, ce qui est authentique un aide lorsqu'on fait le doigt après la salat, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdoulilah, 33 fois Allah. Si quelqu'un il va dire, moi je crois que si je fais 40, je pense que c'est mieux, j'aurai plus de récompense. Et bien celui-là, il invente dans la religion. C'est-à-dire qu'il va rajouter quelque chose. La sonna, c'est de faire exactement 33. Si tu fais 33, t'es récompensé. T'es récompensé en faisant ce dhikr là, et t'es récompensé en suivant la sonna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que ça fait partie des actes, les conditions d'actes d'acceptation en islam, c'est que ça doit être sincère pour Allah et selon la sonna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça. Et donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils étaient dans le cimetière, ils se sont mis à réciter la fin de Surat al-Baqarah. Il y en a un qui s'est tenu à la tête du mort et l'autre au niveau des pieds. L'autre, il a commencé, tu vois. Aman al-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluhum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufariqu bayna ahad min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ensuite, l'autre, il continue. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat 'alayha ma kasabat. Donc voilà, ils ont fini. Ça, subhanallah. Donc la lecture du Coran dans le cimetière, elle a été interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Oh, subhanallah. Mais déjà, il y a déjà pas non, mais même, non, après sur le Yassin, ça fait partie d'un hadith, mais le hadith il est faible en fait. Le hadith il est faible, il n'est pas authentique. C'est-à-dire que parce que les ulémas ils ont dit que le Coran a été révélé pour les vivants, pas pour les morts. C'est-à-dire que si maintenant, bon après il y a certains ulémas qui disent que si la personne elle n'est pas encore morte, mais elle récite sur le Yassin, ceux qui sont là récitent sur le Yassin, ça peut faciliter le fait que l'âme sorte plus facilement. Bon, ça c'est certaines positions de certains ulama. Mais ce que les ulama ils insistent, c'est que la personne elle a besoin de quoi? Elle a besoin qu'il y a quelqu'un qui l'assiste à lui faire répéter, dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu vois? Parce que si elle dit la shahada et elle meurt sur ça, elle rentre au paradis comme parce que c'est le prophète Hassan qui l'a dit. Tu vois? Donc c'est ça le plan. Si par exemple, le monsieur là il est enterré, et puis on met la terre sur lui, bien sûr, on ne fait pas. Voilà, la sonna c'est quoi? C'est-à-dire que, d'une part, une fois que la personne elle est morte, elle doit être lavée. Donc une fois qu'elle est lavée, elle est prière mortuaire. Pas dans le cimetière, que ce soit à la mosquée ou dans n'importe quelle place, mais pas à la prière. Vous ensuite, il est enterré. Donc il creuse, il l'enterre. Ensuite, on fait des doigts, mais on ne fait pas la fatiha. Parce que la fatiha, c'est partie du Qur'an. Fatiha al-Kitab, c'est. Tu vois, la surat al-Fatiha, donc la première. On ne récite pas de Coran. Mais on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, d'avoir miséricorde sur cette personne-là. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, élargisse la tombe. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui évite Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le plus haut degré du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbit qawluhu 'inda su'al. Il fait que sa parole soit ferme lors de l'interrogatoire. Tu vois? Lorsque la personne fait ça et puis elle dit wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et voilà. Et lorsque les personnes commencent à quitter, lorsque le dernier a quitté la place, les anges descendent et commencent l'interrogatoire. Tu vois? C'est ça la sunna. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a du dua, mais il n'y a pas de récitation de Coran, tu vois. Il n'y a pas de récitation, il y a des versets coraniques. On fait les dua, et en faisant ça, alhamdoulilah, tu suis la sunna 100%. Et en faisant ça, eh bien, tu es récompensé en faisant ça. Tu vois. Subhanallah, tu es récompensé, c'est-à-dire si tu pries depuis la salat genèse, puis le trajet qui te mène jusqu'au cimetière, tu ne parles pas des choses de la vie, soit tu restes silencieux, soit tu restes à faire du zikr, mais sans discuter avec les gens. Et lorsque tu arrives là-bas, t'enterres, tu fais les doigts, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala sur le mort, Tu vois? Et ensuite tu sors. Eh bien, tu auras la récompense que Jabal al-Hud, subhanallah, en tant que récompense, la montagne de Hud en tant que récompense, tu vois. Donc c'est ça. Donc c'était en ce qui concerne donc cette question-là. Donc la sadaqa, oui, la personne donc peut faire une sadaqa pour quelqu'un qui est décédé. Le mieux c'est quoi? C'est maintenant donner de l'argent dans une mosquée. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a une personne qui va faire un acte d'adoration, voilà, tu construis ça, c'est une sadaqa jariya. Ou bien donner de l'argent yani, dans les constructions de puits, voilà, ou bien donner de l'argent dans les impressions de livres, tu vois ce que veut dire, sur la religion, parce que quelqu'un qui lit, voilà, tu vois ce que veut dire, l'impression de Qur'an et ça, parce que celui qui lit après il reçoit des... Donc c'est ça quoi, ouais, il doit, ça m'a réfléchir, enfin... La mosquée. Je demande de vous donner un choix de droit. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est bien. Ça, c'est une sadaqa. Je fais sadaqa. C'est-à-dire que yani, tu nourris des gens. Il n'y a pas de problème dans ça. Tu nourris des gens au Kolchei, Fanny. Tu as fait. Tu as cuisiné, tu as fait de la viande, etc. Tu as donné pour que les gens ils se nourrissent en tant que sadaqa. Nous vous donnons ceci à manger pour Allah seulement. Donc le truc c'est quoi? Tu donnes à manger aux gens, par exemple à la mosquée ou al hajab, ça c'est permis, c'est une sadaqa, avec ton intention que voilà, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, en espérant que celle qui en bénéficie, c'est la personne qui est morte, celle que tu as, mathalan, عندك نية pour cette personne-là, tu vois ce que je veux dire? Que c'est celle, tu aimerais que cette personne en bénéficie. Donc ça, il n'y a pas de problème sur ça. Donc on va, Inch'Allah, terminer aujourd'hui le sujet comme ça. On va commencer demain un autre sujet. Qui sera en fait, demain ce sera Inch'Allah, Anwa' al-Shirk, Tunafi Haqiqat al-Tawhid. Les types de polythéisme qui vont annuler le pur monothéisme. Et on va parler notamment sur ce qui s'accroche autour du cou, sur les mains de Fatma, sur tous les trucs comme ça, tu vois. Et sur les différentes catégories d'amour, les différentes catégories d'obéissance et les différentes catégories de crainte, Inch'Allah. On verra ça à partir de demain, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on va terminer donc le sujet, où est-ce qu'on en avait vu, la définition de la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu que la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, l'iman billah, c'est la base de tout ce qui va suivre. C'est-à-dire l'iman bil-rusul, bil-kutub, yani la foi sur les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, la foi sur les prophètes et messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, la foi sur le destin bon ou mauvais mais provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi sur yani le jour du qu'il y a un jour du jugement dernier, yani, et la foi sur les anges, yani, qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les anges. Eh bien, on croit en ça. Et lorsque je dis, parce qu'on aura peut-être Inch'Allah un sujet sur ça, mais on doit croire à tous les anges. On ne doit pas renier un ange ou la détester un ange. Parce que ça, c'est une guerre ouverte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, comme je disais, ça, c'est quelque chose qui paraît évident. Eh bien, par exemple, les Shia, et Jibril alayhi salam. Yaïs Jibril alayhi salam. Pourquoi? Et là aussi, il y a une erreur qu'il y a certains frères qui font. Non, ce que je voulais dire sur ça. Ben c'est ça. Mais le truc c'est quoi? C'est que. Exactement. Le truc c'est quoi? C'est que. Pourquoi Mathalan Wahed il va parler. Par exemple, pourquoi on va parler. Salam alaikum. Pourquoi Mathalan on va parler. Pourquoi on va parler en fait sur. Le tawhid, et pourquoi on va parler sur ce qui annule le tawhid? Parce que lorsque tu sais ce qui annule le pur monothéisme, tu vas l'éviter. Si par exemple, je te dis de marcher jusqu'au mur, et sur le trajet, j'éteins toutes les lumières, et je fais des trous sur les trajets. Venez. Enfin, j'éteins toutes les lumières, c'est pas correct. C'est-à-dire que je fais des trous, et je recouvre de tapis. Si je t'indique où sont les trous, tu vas les éviter pour ne pas tomber dedans. Mais si tu ne sais pas où les trous ils sont, tu vas marcher et tu vas tomber dedans, sans t'en rendre compte. Parce que, yani, j'ai croisé des gens, c'était comment? Yani, chaque jour, Yani, ils ont des modes de pensée, Allah, c'est-à-dire ils n'ont pas le Coran et la Sunna comme les Sahaba ils l'ont compris. Non, c'est pas ça. Ils ont un jour, ils vont rendre kofar tout le monde. Un autre jour, ils vont être dans un autre type de pensée. Un autre jour, quelqu'un il va commencer à dénigrer. Yani, parce que ça, yani, ce sont des choses yani, qu'on voit et que c'est écrit dans des livres. Subhanallah. T'as quelqu'un en Égypte, c'est un écrivain, il s'appelle Sayyid Qutb, qui est à l'origine du mouvement Takfir. Il écrivait, il y a plusieurs livres, c'est un écrivain, c'est pas un alim, c'est pas un savant. Et il a écrit un livre qui s'appelle Fi Dhilal al-Qur'an, dans l'ombre du Coran. Et dans ce livre-là, il insultait Moussa alayhi salam. Il disait, regarde son comportement, comme quelqu'un qui se comporte, lorsque Moussa alayhi salam, il avait donné un coup de poing à un homme, et cet homme-là, il est mort parce que cet homme-là allait tuer quelqu'un de son peuple. Il a vu, oui. Donc, ouais, non, mais le truc, c'est quoi? Et cet homme-là, il a écrit son livre dans les années 50. Fin des années 50. Femni. Donc, ces gens-là, ils écrivent, ils insultent les prophètes et messagers. Dans un autre livre, subhanallah, At-Taswir al-Fanni fil Qur'an. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va en fait dire que Muawiyah radiallahu anhu, il y a un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As, un compagnon du prophète, et bien ils disent que c'était des hypocrites. Subhanallah. Yani, quelqu'un qui ne sait pas ça, et qui l'entend, parce que ce mouvement-là, il peut passer comme ça. Une personne, elle va entendre, juste tu joues avec les émotions des gens, et c'est fini. Tu comprends pourquoi les émotions, ce n'est pas une preuve en islam. Quelqu'un, il vient, très facilement, il peut jouer avec vos émotions. Regardez vos frères, ils sont là. La personne est comme ça, elle s'énerve, et elle va agir stupidement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder. Regardez les gens qui posent des bombes, qui tuent, qui je sais pas quoi, le terrorisme et ça. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'islam, ça? Non. Elles sont où vos preuves? Ça vient pas de l'islam. Ça vient de quoi? Ça vient en fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est authentique, du'at ala abwab jahannam. Des gens qui font la da'wah, qui sont sur les portes de l'enfer. Qui en fait appellent, avec ce qu'ils vont dire, les gens à rentrer en enfer. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Tu joues avec les émotions de quelqu'un, tu vas pas lui dire Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est que tu vas commencer à jouer avec les émotions, regarde ça, et voilà, regarde ce qui s'est passé, quoi, le shaykh. Tous ces trucs-là, il y a écrit, qu'on soit bien clair, Inch'Allah, parce que les gens ils doivent comprendre. Parce que parfois, dès qu'on croise des gens qui sont, pas musulmans, ils disent mais ça on l'entend pas. Il y avait quelqu'un qui veut, même là-bas en Écosse, elle avait parlé à ma femme, c'était une Française. Elle avait dit oui, sur je sais pas quoi, sur Ben Laden, je sais pas quoi. Elle dit oui, mais les ulama, ils ont eu leur position est très claire. Ils ont dit à Ben Laden de revenir sur le droit chemin, il était dévié. Mais les gens, est-ce que les gens ils savent ça? Non, les gens ils croient, c'est un héros. Le héros de la déviance. Il invitait les gens à faire quoi? À faire de la fitna dans le monde. Si je dis ça, c'est pas moi qui le ramène de ma petite tête au Hadrachnoa, c'est les ulama de Ahl Sunna qui ont mis en garde contre tous les gens qui suivent le sentier de Ben Laden, tous les gens qui suivent les gens qui font la fitna dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Al-Anbiya au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le but de l'islam c'est quoi? Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Le but de l'islam c'est quoi? C'est d'inviter ceux qui ne sont pas musulmans vers l'islam, à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pas de les exterminer. Voilà, c'est pas de faire la fitna dans le monde. C'est pas ça. Mais parce que des gens, pourquoi maintenant on va mettre en garde contre ça? Tu vas sur YouTube. Wallah el adim. Il y a une vidéo. Wallah el adim. C'est un shir shi'i. Il a dit que celui qui aime Abu Bakr et Omar, c'est un kafir. Et il a dit que c'est lui d'ailleurs qui disait, il fait partie des rawafid, une secte shi'a, les extrêmes. Que Abu Bakr et que Omar ibn Khattab est au plus bas niveau de l'enfer, ensuite Abu Bakr est au-dessus d'eux, il y a Iblis. Et ces gens-là, ils ont un gâteau, où est-ce que c'est marqué? Astaghfirullah, li'anatullah alayka ya Aïcha. Parce qu'ils fêtent la mort de Aïcha radiallahu anha. Et eux, ils sont contents, ils mangent ce gâteau-là. Et ils ont des brebis, et ils écrivent et tout ça. Donc lorsque, en fait, je parlais sur ce point-là, c'est lorsque tu sais le danger il est où, lorsque tu sais la déviance il est où, tu vas l'éviter. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'épreuve et tu sais où est le droit chemin et où est la déviance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, sourate An-Nisa, verset 115, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى celui qui oppose, qui fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu. Ça veut dire que tu as reçu les preuves, tu as su où le droit chemin a été. Et suis autre que le chemin des croyants. Qui sont les croyants du temps de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les sahaba. Celui qui suit autre que leur chemin, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est quoi leur châtiment? Nous le ferons responsable, yani, du choix qu'il aura pris, en voulant refuser de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous le mettrons en enfer, et ça, ce sera une mauvaise destination pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce que je disais en fait avec yani, la croyance sur les anges? C'est qu'on doit croire à tous les anges qui ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ils n'ont été créés que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens, et les anges, ils ne désobéissent pas à Allah. Ils ont été créés de lumière. Alors que le shaitan, parce qu'il y en a beaucoup qui font les erreurs, il ne fait pas partie des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit, kana min al-jinn. Il était créé de feu. Il n'est pas un genre, non. Mais il a été rapproché du cercle des anges parce qu'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Mais après, par son arrogance de refuser d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a été maudit. Et donc, on doit croire que les anges, ils ont été créés de lumière et ils n'obéissent qu'à Allah. Parfaite obéissance. Parfaite obéissance. Eh bien, pourquoi je disais avec l'histoire des chiens? C'est que les chiens, eh bien, détestent Jibril alayhi salam parce qu'ils disent que au lieu de donner la risala à Ali, il l'a donné à Muhammad. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui font l'erreur lorsqu'ils font le tashahud. Ensuite, ils lèvent leurs mains, ils font comme ça. Mais ça, c'est la sunna de qui? Des chiens. C'est pas la sunna du prophète. Parce qu'en fait, les chiens, dès qu'ils vont comme ça, c'est parce qu'ils disent qu'après qu'ils ont fini de faire le tashahud, c'est qu'ils frappent Jibril alayhi salam de s'être trompé, d'avoir donné la risala à Muhammad alayhi salam au lieu de Ali radiallahu anhu. Donc c'est pour ça. Donc si on ne connaît pas ça, eh bien, on va le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تُتِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils te dévieront du droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est authentique, لَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ. Il y aura toujours une minorité de ma communauté qui restera sur la vérité. لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Ceux qui ont dévié ne les influenceront en rien. Ceux qui ont dévié n'influenceront pas cette minorité qui est restée sur la vérité. Tu vois? Et ils resteront comme ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et les ulémas ont expliqué jusqu'à la fin des temps, ça veut dire jusqu'à avant que la fin des temps arrive. Parce que vraiment à la fin des temps, تَقُمْ سَعَ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ. L'heure sonnera sur les plus mauvais des gens. Jusqu'à qu'on n'entendra pas sur terre Allah, Allah. Donc c'était sur ce point-là. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, barakallahu fikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'était juste pour éviter. Non, tu peux pas prier d'ailleurs. Tu peux pas prier. Parce que Aslan, les Shia, ils ne prient pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sallou kama ra'aytumuni yusalli. Non, en fait, il y a une différence entre, yani, comme on disait, un musulman, il y a des conditions. C'est pour ça que maintenant, ceux qui ne savent pas, ils vont dire, bon, tu es un musulman chiite, toi là tu es un musulman sunnite, toi là tu es un musulman je ne sais pas quoi. Subhanallah, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a qu'un seul islam. L'islam, c'est quoi? Est-ce que c'est l'islam que moi je veux faire ou que je préfère faire? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous tous. Ça, c'est un appel à qui? À tous les musulmans. Accrochez tous à l'ensolide d'Allah et ne vous divisez pas. Donc ceux qui veulent faire des sectes, voilà des groupes, voilà un ta'aïf, non, tu dois penser comme moi, sinon je sais pas quoi. Voilà, il y a des gens, ils vont t'exclure de l'islam parce que tu penses pas comme eux. Voilà, drachno, drachno. Toutes ces sectes-là, il n'y a aucun bien dans cela. Il n'y a aucun bien dans cela. Bon, ensuite, quelqu'un, mathalan, qui est musulman, qui se dit, je sais pas moi, qui se dit à partir de telle ou telle secte, on le rend pas mécréant. s'il ne me croit pas, yani s'il ne, il n'a pas les conditions, tu vois, de la mécréance. Quelqu'un, mathalan, qui va, les ulama, il y a un consensus des ulama sur le fait que celui qui insulte les compagnons en général, ça le fait sortir de l'islam. C'est plus un musulman. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran qu'il est satisfait des compagnons. Donc celui qui les insulte en général, eh ben il oppose la parole d'Allah. Hein? Celui qui croit que Ali radiallahu anhu devait recevoir le message et pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça exclut l'islam. Parce qu'il veut dire que, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait le bon choix. Yani, wallah et Aïkhi, je te jure, subhanallah. Parfois tu trouves des vidéos des gens, et ces gens-là, ils se disent qu'ils sont musulmans. Ils parlent, ils disent, Mohammed, c'est à cause de toi. Comme ça, ils parlent. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de toi qu'il y a eu les divisions, qu'il y a eu ça. Subhanallah. Yani, ce qu'on veut dire, les ulama, ils disent quoi? Ils disent, maintenant, les chiites, qu'est-ce qui fait en fait que, mathalan, ça les exclut de l'islam? C'est les chiites en général. Si maintenant vous croisez quelqu'un qui se dit qu'il est chiite, tu ne vas pas le taxer de mécréant. Non, parce que c'est peut-être un ignorant. C'est peut-être quelqu'un juste issu de la tradition de ses parents. Il ne sait pas, tu vois ce que je veux dire? Il t'en croise beaucoup. Donc, il dit, mathalan, voilà, il est musulman mais chiite, mais il ne sait pas, tu vois? Tu ne peux pas l'accuser de mécréant. Qui sont ceux qui sont, mathalan, yani, ce sont ceux qui ont le savoir et qui appellent à cette déviance-là. Cela, c'est un autre niveau. Parce qu'il y a des chiites, ils ne savent pas. Ils viennent, ils prient, ils ne savent pas. Tu vois, la taqiyya, qu'ils doivent en fait, qu'ils doivent te mentir et qu'ils doivent cacher une mécréance envers Abu Bakr et Omar et envers, tu vois, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça. Yani, subhanallah, ils kafrou tous les compagnons, excepté trois. Certains, excepté sept. C'est une histoire, ça. Les Salman al-Farisi Ali radiallahu anhu et Ja'far, ils renient Sahih al-Bukhari. Je parlais avec un chien là-bas, je lui disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, le hadith il est authentique dans Sahih al-Bukhari. Les ulama ils ont dit que Sahih al-Bukhari c'est le livre le plus authentique après le Coran. Les chiens ils ne reconnaissent pas Sahih al-Bukhari. Donc ça veut dire c'est un débat sans fin. Tu ramènes des preuves, ils ne reconnaissent pas. Pourquoi en fait ils ne reconnaissent pas? Parce que dans la chaîne de transmission, parce qu'un hadith il est composé comme on avait dit la dernière fois d'un sanad et d'un matan. Ça c'est la composition du hadith. Sanad ou un matan, ça veut dire une chaîne de transmission. Et le matan, c'est l'agencement des mots dans la narration. Eh bien, dans la chaîne de transmission, s'il y a les compagnons que eux ils ont considérés comme mécréants, eh bien, ils n'acceptent pas. Ils disent, bah, c'est une narration d'un kef, donc on ne peut pas l'accepter. Astaghfirullah, tu vois. Donc ça, c'est un autre niveau. Mais lorsque tu vois un chiite, ils vont commencer à mettre un truc, soit une pierre, ils vont dire que c'est un karbala, soit ils vont te mettre un mouchoir, un papier ou quoi que ce soit. Il peut prier avec toi si tu diriges la prière. Pour te faire croire que voilà, il n'y a pas de problème, il prie comme toi. Tu quittes la pièce, il va refaire la salade. Parce qu'il considère que la prière derrière toi n'est pas acceptée. Vraiment? C'est ça le truc. Donc, si c'est quelqu'un, mathalan, qui est ignorant, qui dirige la prière, bon, tu peux prier derrière lui. S'il fait la prière comme le prophète, certains déjà, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui est connu, qui a un savoir que. Il y en a des gens l'ont conseillé, lui ont ramené des preuves, mais il a refusé. Là, c'est différent. Tu vois? Wallahu a'lam. Donc, on va essayer, Inch'Allah, d'accélérer. Donc, on avait dit que. On avait parlé sur l'iman billah. Et l'iman billah, la foi en Allah, c'est quoi? C'est composé de croire en l'existence en Allah, subhanahu wa ta'ala, puis des catégories d'unicité, de monothéisme, qui sont tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat wa tawhid al-uluhiyya. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, et l'unicité d'Allah dans son adoration. On avait commencé par voir tawhid rububiyya, ça consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique seigneur, n'ayant ni associé ni supporter. Le seigneur, c'est celui pour qui toute la création, tout le royaume et les ordres lui appartiennent. C'est ça le Seigneur. Il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parce que c'est lui seul qui détient la création et l'ordre, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah lahu al-khalq wa al-amr. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah, qu'à lui. dans Sourate Al-A'raf, verset 57. Et on avait vu Tawhid Al-Asma wa Sifat. Tawhid Al-Asma wa Sifat. Salam alaykoum. Tawhid Al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, ça veut dire que les noms et attributs, l'Asma wa Sifat, les noms et attributs d'Allah n'appartiennent qu'à Allah. C'est-à-dire que rien n'est comme Allah dans cela. Okay? Ça consiste à affirmer les noms et attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala se les ait affirmés lui-même dans son livre ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des façons qui convient à Allah. Ça, c'est la définition de l'unicité d'Allah dans les meilleurs noms et attributs. Ça veut dire en fait qu'on affirme ce qu'Allah a affirmé. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que qu'il a créé Adam alayhi salam avec ses mains, on affirme ça, sans rajouter ni diminuer. Et en plus, c'est de la meilleure façon, on le dit. C'est-à-dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit. Parce que la parole d'Allah, c'est la meilleure des paroles. Allah, il a dit ceci, nous on l'affirme. On l'affirme, on ne le renie pas. Et ceci sans tahrif, ça veut dire qu'on ne change pas le sens. Qu'on avait dit que il y avait une secte qui s'appelle Ash'a'ira, qui vont modifier le sens. Ils vont dire, tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire en fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à créer Adam de ses mains, eh bien non, tu ne dois pas dire ses mains. Ils vont dire, les mains en fait ça veut dire le pouvoir. Tu vois? Ou bien lorsque tu vas lire fi sourate al-fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa. Non, tu ne dis pas en fait, tu ne dois pas comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient et les anges qui arrivent en rang. Tu vois? Ils disent non, tu dois en fait avoir comme sens que c'est l'ordre d'Allah qui vient. Donc ça, en fait, c'est du tahrif. Ça veut dire qu'ils veulent modifier le sens. Et ça, c'est dangereux, parce que c'est ce qui est arrivé aux gens du livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens du livre? Pourquoi, en fait, il y a une 70aine de Bibles aujourd'hui? 77 de Bibles. 7 Bibles majeures. Après, tu as la Bible du roi James, tu as l'Angleterre, l'Écosse, tu as la Bible du Vatican. Tu as la Bible, même des journalistes aujourd'hui, ils écrivent des Bibles. Ils lisent la Bible. Tu vois? Parce qu'au tout début, eh bien, ils n'ont pas dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est que ils ont commencé à rajouter des parenthèses, comme quoi le sens, en fait, tu dois comprendre ça comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si on mettrait comme ça dans le Coran, tu vois, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ, eh bien, ils mettront وَجَاءَ رَبُّكَ, eh bien, en fait, ils vont dire non, en fait, c'est l'ordre d'Allah. Ça commence entre parenthèses. Puis ensuite, ils enlèvent les parenthèses et la personne va commencer à lire, eh bien, l'ordre d'Allah est venu. Tu vois, ça a complètement changé le sens. Tu vois? Et ça, c'est dangereux, c'est le tahrif. Et la personne, elle ne doit pas tomber dans ça. Si Allah, il dit ça, eh bien, nous, on le dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, eh bien, nous, on le dit. Exactement. Sans rien rajouter, sans rien diminuer. Tu vois? Et sans changer le sens. Sans ta'til, renier le sens. C'est-à-dire que les gens, ils vont renier. Tu ne dois pas dire que, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, il renie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de vive voix à Moussa alayhi salam. Ils vont dire non. Tu ne dois pas dire ça, parce que si tu dis ça, ça veut dire que pour parler, il faut une bouche, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a une bouche. Astaghfirullah il a dit, pourquoi tu vas là? Subhanallah. Tu vois le danger? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une voix qui a parlé à Moussa. Et ça, c'est du kufr. Parce que d'une part, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a parlé à Moussa de vive voix. C'est Allah qui le dit. Nous, on lit, on dit et on affirme que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. On ne va rien rajouter ni diminuer. Et dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une voix, que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas et qu'il est muet, eh bien en fait, c'est de dire, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, ça fait partie de quel type de tawhid? La parole d'Allah fait partie de quel type de tawhid? Tawhid, l'asma wa sifat, les noms et attributs. C'est un attribut d'Allah, la parole. La parole, c'est un attribut d'Allah. Donc eux, ils vont dire que, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, ils créent une voix, ils veulent dire en fait que le Coran est créé. Et ça fait partie d'une secte appelée Jahmiya, qui était du temps de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui l'a combattu, qui voulait dire en fait que le Coran a été créé. Et dire que le Coran a été créé, bi ijma' al-ulama, au consensus des savants, celui qui croit que le Coran a été créé, c'est un kafir murtad. mécréant apostasie. Même s'il veut, il veut venir prier à la mosquée, il fait ce qu'il veut de sa vie, c'est un kafir murtad. Il ne redeviendra un musulman que lorsqu'il se repentra et qu'il refait yantaq al-shahadatayn une autre fois. Tu vois? Être takif, sans aussi tomber dans le takif, c'est-à-dire on veut attribuer une façon, ou bien dire comment est Allah. Ok? Comment est Allah? Et je vais donner un exemple sur cela. Et ça, il ne faut surtout pas qu'une personne va. Eh bien, comment est. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a créé Adam alayhi salam avec ses mains. Donc, comment sont ses mains? Voilà, il ne faut pas que tu tombes dedans. Il y a un homme, il est venu voir l'imam Malik, rahimahullah. Ok? Et il lui a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit que خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus du trône. Il lui a dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Allah subhanahu wa ta'ala استوى على العرش. Donc comment il s'est élevé? Comment il est au-dessus du trône? Donc l'imam Malik rahimahullah a dit Al-istiwa ma'loum, yani il est connu, parce qu'Allah nous dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Wal-kayfiya majhoul, yani mais comment, on ne sait pas. Parce qu'Allah il nous a pas donné à savoir dessus. Wa-su'al ali bid'a. Et demander sur ceci est une innovation, et je te vois parmi les innovateurs, il a demandé à ce qu'il se fasse chasser de la mosquée. Parce que c'est une chose très grave que la personne va commencer à tomber dans. Et t'es qui? Comment? Pourquoi tu vas là? Subhanallah. Et temsil, c'est en fait faire des parallèles. Par exemple, dire que, bon, comme nous on a, par exemple, comme nous on a des mains, bah, les mains d'Allah, elles sont comme ça. Ou bien comme nous, tu vois, astaghfirullah. C'est essayer de faire des parallèles entre eux, le créateur et la création. Le créateur et la créature. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est comme lui. Rien n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui entend et qui voit. Et je donne un exemple en fait sur Estekif. Il y avait un enfant en fait qui était dans une déviance totale. En train d'essayer. Et Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, l'avait trouvé, c'est parti des tabi'i, il l'avait trouvé en fait dans cet état-là, il était en train de se poser des questions, comment est Allah? Comment il est? Comment il est? Comment il est? Donc, il lui a dit, avant de se questionner à savoir comment est Allah, si déjà tu commences à savoir comment sont les créatures, après peut-être tu pourras te poser des questions sur ça. Mais déjà, si tu ne sais pas comment sont les créatures, ça sert à quoi d'aller à un autre niveau, qui est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc il lui a dit, il a été reporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam dans son image réelle et qu'il avait 600 ailes. 600 ailes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le hadith authentique, il a vu Jibril alayhi salam dans son image réelle, il avait 600 ailes. Et donc il lui a dit, donc dis-moi où sont placées ces ailes. Donc déjà, il est tombé de haut, l'air, il a commencé à réfléchir. 600 ailes. Venez. Il lui a dit, donc il restait à réfléchir, 600 ailes, comment elles sont placées, comment elles sont placées. Donc il lui a dit, écoute, je vais te donner plus simple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il a créé certains anges, ils avaient 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes. Certains anges, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils ont 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes. Il a dit, eh bien, ceux qui ont 3 ailes, admettons, imaginons qu'il y a une aile à droite, une aile à gauche. La troisième, où est-ce qu'elle est placée et comment il s'en sert pour voler? Donc, il était bloqué et il a dit, eh bien, je me repens du takif que j'essaie d'essayer de savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que j'ignore complètement comment sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Donc, pourquoi il va se prendre la tête? Qu'est-ce que tu as à faire, subhanallah? C'est une religion de suivi. Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as à faire? Juste, tu suis. On ne te demande pas d'essayer de mettre en place une nouvelle théorie ou voilà, une nouvelle religion. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Il ne comprenait pas, il revenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait la bonne explication. Famille. Et donc voilà. Toi, juste que, comme Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, « Attabi'u wa la tabtadi'u. Laqad kufitum. Suivez et n'innovez pas, n'inventez pas. T'as juste à suivre. Parce que ce que vous avez, c'est suffisant. Yani, le Coran et la Sunna. T'as pas besoin de... Je te donne un exercice de maths à faire. Okay. Pour faire cet exercice de maths, tu dois déjà comprendre les règles mathématiques pour résoudre tel ou tel problème. Okay. Tu dois savoir c'est quoi les règles. Donc si tu ouvres le cahier et tu dis, c'est pas grave, je veux pas apprendre, famille, mais je vais essayer de résoudre ce problème-là quand même. Tu ne connais pas les règles. Eh bien, tu n'arriveras jamais à le résoudre. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu essaies, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas, eh bien, tu fermes le livre et tu dis, allez, moi, je ne comprends rien au maths. Et puis c'est tout. Alors qu'il te suffisait juste d'apprendre les règles et de les appliquer. Tu vois ? Dans l'islam, c'est la même chose. Tu as juste à apprendre et à appliquer. Femme. Et donc, ça c'était en ce qui concerne Tawhid al-Asma wa Sifat. En ce qui concerne, et on va terminer sur ça, Inch'Allah, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ça consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul ilah. Il est, n'ayant ni associé ni partenaire. Il est, littéralement, ça veut dire divinité. Il est, ça veut dire quoi? El-ilah, ça veut dire el-ma'boud. El-ilah, ça veut dire el-ma'boud. El-ilah, la divinité, c'est celui qui est adoré. El-ilah, ça ne veut pas dire le créateur. El-ilah, ça ne veut pas dire le créateur. Le créateur, c'est el-khaliq, celui qui crée. El-ilah, c'est el-ma'boud, celui qui est adoré. Celui qui, normalement, mérite l'adoration. Je dis normalement parce que les gens... Comme du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraishites, la tribu de Quraish, adoraient autre qu'Allah. Okay? Ils adoraient autre qu'Allah. Alors qu'ils savaient que Allah, c'était le seul créateur. Mais pourquoi en fait ils ont mis cette statue-là, ils l'ont mis en tant que divinité? Ça devient une divinité dans quel sens? Lorsqu'ils commencent à l'adorer. Ça devient une divinité. Les gens qui adorent les vaches en Inde, eh bien, ça devient leur ilah. Famille. Les gens qui adorent leur passion, ça devient leur ilah. Ara'ayt alladhi yattakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a pris yani sa passion, yani son désir, ce qu'il veut faire, tu vois ce que je veux dire, comme sa propre divinité? Comment ça? Son nafs, elle lui dit de faire ça, malgré que ça va désobéir à Allah, il va la suivre, il va le faire. Il a envie de faire ça. Il est tombé dans le haram, il va le faire. Et bien en obéissant comme ça, et bien en fait, au lieu d'obéir à Allah, t'obéis ta passion, tu es en train de l'adorer, tu passes ton temps à faire que ça. Alors que tu devrais adorer Allah. Tu vois? Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Et votre ilah, votre Dieu, votre divinité est unique. Et il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في سورة الحج verset 62. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci parce que Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité et ceux qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. Pourquoi est le faux? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les polythéistes, les mouchriquines, comme je disais, ils refusaient de vouer leur adoration à Allah seul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inventés des dieux. Qu'ils ont mis au-dessus de la Kaaba. Et quelque part, c'était aussi pour quelque chose de business. Parce qu'ils disaient que n'importe qui viendrait de n'importe quelle place verra son dieu, sa fausse divinité, celui qui ne peut même pas lui répondre, qui ne peut rien lui faire. Tu vois? Il verra sa statue au-dessus, et bien il va aimer, donc ça va l'influencer de faire du business avec eux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur demandaient de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala, il a invalidé, il a rendu leurs actes d'adoration vaines par deux preuves. Premièrement, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qu'ils adorent, ces statues-là, ces animaux, ces croix, ces je sais pas quoi, tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont aucune qualité divine. Ils n'ont aucune qualité divine. Parce que, hadhum, tu vois, makhlouqat, ces statues, elles ont été créées. Ces animaux, ils ont été créés. Ces rats, ces serpents, et même en Inde, on disait, les gens, ils sont infestés par la peste. Ils sont infestés par la peste, mais ils ne veulent pas tuer le rat. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est leur ilah. Ils sont en train de mourir, tu vois. يُخْرِبُونَ بُيُوتِهُمْ بِأَيْدِهِمْ comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Hashr. Ils détruisent leur propre maison de leurs propres mains. Tu vois? Ils se font, Inch'Allah, je termine sur ça. Ils se font tuer, mais ils ne veulent pas tuer ça. Ceux-là sont des makhlouqat, elles ont été créées, elles ne peuvent pas créer. Elles ne peuvent pas leur répondre. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ invoquez-moi, je vous répondrai. Elles n'ont le pouvoir de rien faire. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Et ils ont pris en dehors d'Allah des divinités qui ne peuvent rien créer alors que eux-mêmes se font créer. Femme-ni? وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتٍ وَلَا نُشُورًا Et ces divinités-là qui ne peuvent ni créer mais qui se font créer, qui ont été créées, mis en place, modelées par les mains et tout ça et ça, tu vois, elles ne peuvent rien créer, elles ont été créées. Donc elles ne méritent pas l'adoration. Elles ne détiennent pas ni le pouvoir de faire mourir quelqu'un, ou Allah de rendre la vie à quelqu'un. Et elles ne détiennent même pas le pouvoir de faire ressusciter quelqu'un après la mort. Même Isa alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission, tu vois, de rendre la vue à quelqu'un qui était aveugle, ça c'est par la permission d'Allah. Parce que si Allah ne lui donnerait pas la permission, il ne pourra pas le faire. Parce que tout ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on termine avec le deuxième point. C'est, vite fait, Inch'Allah, parce que c'est l'heure. Les polythéistes, ils admettaient malgré cela que le seul créateur, c'est Allah. Ils admettaient ça. Que le seul créateur, c'est Allah. Le seul seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, c'est Allah. Celui qui les a créés, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَ اللَّهِ Et si tu leur demandais qui a créé le soleil et la lune, les cieux et la terre, ils répondront, c'est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ Et si vous leur disiez, qui vous a créé, ils répondront, c'est Allah. Donc si tu sais que c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui t'a donné ces battements de cœur que tu ressens même pas. Tu respires, tu t'en rends même pas compte. Tu clignes des yeux, tu t'en rends même pas compte. Tu bouges, tu fais des mouvements, tu t'en rends même pas compte. Qui c'est qui t'a donné tous ces ni'am? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas une injustice de ne pas l'adorer ou de vouer son adoration à autre que lui. C'est la plus grosse des injustices. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Luqman, lorsque Luqman qui est un homme pieux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui recommandait à son fils, « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. » Tu sais que c'est Allah qui t'a donné tout et tu détournes ou tu refuses de l'adorer ou de se soumettre à lui. C'est la plus grosse des injustices. Donc si tu sais que le seul créateur c'est Allah, celui qui donne tout c'est Allah, et bien seul lui mérite l'adoration. C'est pour ça que la ilaha illallah ça veut dire la ma'bouda bihaqqan illallah. Le seul qui mérite l'adoration en vérité c'est Allah. Parce que ce qui est adoré en dehors de lui, c'est des fausses divinités, elles peuvent rien créer, elles s'en font créer. Elles peuvent rien t'influencer en rien du tout, elles peuvent rien te faire. Le seul qui peut faire ce qu'il veut c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je termine sur ce hadith là, inshallah qui est authentique. Si tous les hommes et les djinns, ils se réunissaient pour empêcher un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit, ils ne pourront pas l'empêcher. Et si tous les humains et les djinns, ils se réunissaient pour te nuire, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas écrit ça, ils pourront te nuire en rien du tout. Ce qui t'est destiné ne te rattrapera pas. Et ce qui ne t'est pas destiné ne te touchera pas. Donc ça c'était sur l'iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Demain on verra inshallah les choses qui annulent en fait les types de monothéisme. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.